إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، le chapitre que l'on va voir dans l'assise de ce matin est lié à la foi au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la foi au nom et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est un des piliers de la foi en Allah. Comme vous le savez, et comme on l'a mentionné dans l'assise d'hier, la foi, elle a six piliers, comme il est venu dans le hadith de Jibril, alayhi salam. Et le premier pilier de la foi, et le plus important, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la foi en Allah, elle englobe la foi en sa seigneurie, al-iman bi-rububiyyatihi, et la foi en sa divinisation, c'est-à-dire le fait qu'il est le seul à mériter d'être adoré, al-iman bi-uluhiyyatihi, puis la foi en ses noms et en ses attributs, al-iman bi-asma'ihi wa sifatihi, et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de l'unifier dans ses noms et ses attributs est une des trois catégories du tawhid. Donc cette science, la science des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle fait partie des sciences les plus nobles. Car comme on dit, la noblesse d'une science, elle est reconnue par la noblesse de ce qu'on apprend dans cette science. Sharaful ilmi bi sharafil ma'loum. Qal ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala, wa la rayba anna al-ilma bihi, ay al-ilmu billah, wa bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, أجل العلوم وأفضلها. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il a dit, il ne fait aucun doute que la connaissance d'Allah, de ses noms, de ses attributs, de ses actes, fait partie des sciences les plus nobles et des meilleures. On voit que le rang de cette science est éminent dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle est d'une grande importance. En effet, il n'est possible pour personne d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure manière, tant qu'il ne connaîtra pas les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que ses attributs, et ce afin qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Et si le serviteur connaît les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors son amour pour son Seigneur va augmenter. Sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter. L'espoir qu'il a en Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter. De même que la confiance qu'il placera en Allah subhanahu wa ta'ala sera plus ferme. Donc, plus le serviteur connaîtra les noms de son Seigneur et il connaîtra les attributs de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, plus sa foi, sa certitude et sa confiance, son tawakkul, augmenteront par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants, ils ont donné une grande importance à cette science, car il est lié à une base fondamentale de la foi, comme on l'a dit, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, il a mentionné dans ce recueil de hadiths authentiques un certain nombre de hadiths liés à cette science dans différents chapitres, et ce, dans le livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid. Et on va lire, inshallah ta'ala, un de ces chapitres. Qala rahimahullah, bab inna lillahi mi'ata ismin illa wahida. Chapitre, Allah a son nom moins un, sans, sauf un, c'est-à-dire Allah a 99 noms. Puis il a rapporté un hadith et il a dit: Haddathana Abu al-Yaman, qala akhbarana Shu'aib, qala haddathana Abu al-Zinad, an al-A'raj, an Abi Huraira. Donc il a rapporté sa chaîne de transmission jusqu'à Abu Huraira, puis il a dit: Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. Allah a 99 noms, sans moins un. Quiconque les recense entrera au paradis. Puis il dit, rahimahullah, أحصيناه حفظناه. Nous les recensons, c'est-à-dire nous le mémorisons. C'est l'explication que l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala a donnée de ce mot. Donc dans ce hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe qu'Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. Et que celui qui recense ces noms, ces 99 noms en question, alors il entrera au paradis. On voit donc que ceci est une annonce immense. Une bonne nouvelle dont nous informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour celui qui va réaliser cette chose, qui va recenser ces 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, il nous convient de méditer sur ce hadith afin de comprendre ce qui est visé par le fait de recenser ces noms, mais aussi de savoir comment connaître ces noms. Et on va donc voir les réponses à ces questions, incha'Allah ta'ala. La première question est comment connaître ces noms? Comment connaître les noms en question dans ce hadith? Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala font partie des questions qui sont tawqifiyah, c'est-à-dire qui s'arrêtent au texte. Et la raison, le raisonnement, n'a pas sa place dans ce domaine. Mais on s'arrête simplement au texte, c'est-à-dire au texte du Coran et de la Sunna. Il est donc obligatoire que l'on s'arrête en cela au texte du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la Sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans ne rien en ajouter ni rien en diminuer. Car il n'est pas possible d'atteindre la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par ta raison, par ta déduction ou par ton raisonnement. Mais tu ne peux connaître cela que par la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait à son messager à travers son livre et dans la sunna. Il est donc obligatoire pour nous de nous arrêter sur les textes. Ceci est le sens lorsque l'on dit que quelque chose est tawqifi, c'est-à-dire qu'il n'est confirmé que par les textes du Coran et de la sunna. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans son noble livre, « Wa la takfu ma laysa laka bihi ilm » et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. « Inna sam'a wal basara wal fu'ad » Certes, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, on sera interrogé. Donc les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les tire d'où? Soit d'un verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit d'un hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce qui est venu dans les textes du Coran et de la Sunna, il est obligatoire pour nous de l'accepter, il n'est pas permis de le renier. Le deuxième point à souligner au sujet des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous husna, ce sont les plus beaux noms. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nom plus beau que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la beauté des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala a atteint la perfection absolue. Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit dans son noble livre, « وَلِلَّهِ الْأَسْمَى الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا » C'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux, invoquez-le par ces noms. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il nous informe que lui appartiennent les plus beaux noms. Et il nous ordonne ensuite de l'invoquer par ces noms. Et ceci englobe deux choses. Du'a'ul mas'ala wa du'a'ul ibadah. L'invocation de demande et l'invocation d'adoration. Car l'invocation elle est de deux sortes. Du'a'ul mas'ala, l'invocation de demande, c'est-à-dire que lorsque tu souhaites adresser une demande à Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais précéder cette demande par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui convient à ta demande. Par exemple, tu souhaites demander à Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde, tu diras « Ya Rahman, Ya Rahim, Irhamni. Oh toi le tout miséricordieux, le très miséricordieux, fais-moi miséricorde. Ya Ghafour, Ighfirli. Oh toi le pardonneur, pardonne-moi. Ya Razzaq, Urzuqni. » Et ainsi de suite. Quant au deuxième type d'invocation, du'a ul ibada, l'invocation d'adoration, c'est le fait que tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'impliquent ses noms. Par exemple, tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est at-tawwab, le grand accueillant au repentir. Cela va te pousser à quoi? À te repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala est as-sami', il entend tout. Alors, cela va te pousser à quoi? À préserver ta langue de prononcer des paroles qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, cela va te pousser à faire preuve de crainte pieuse à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala en secret et en public. Car tu sais qu'Allah est as-sami', il entend toutes choses. Al-alim, il a connaissance de toutes choses. Et ainsi de suite. Tu te rapproches donc d'Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'implique ses noms et tu te soumets à lui de cette manière. La troisième question concerne le nombre mentionné dans ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a 99 noms. Mais est-ce que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont restreints à ce nombre? C'est-à-dire, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a que 99 noms? La réponse est non. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, elle ne vise pas la restriction. Il n'a pas dit Allah n'a que 99 noms, mais nous a informé qu'Allah a 99 noms. Mais cela ne nie pas le fait qu'il en ait d'autres. De la même manière, comme l'a mentionné le Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, que si tu as par exemple 100 euros dans ta poche, tu vas dire à une personne, j'ai dans ma poche 20 euros. Cela ne signifie pas que tu as seulement 20 euros, mais tu as plus que cette somme. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah a 99 noms. Mais il n'a pas dit Allah n'a que 99 noms. Il a 99 noms, entre autres. Et la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a plus de noms que cela est ce que rapportaient les imams Ahmad wa ibn Hibban wa al-Hakim rahimahumullahu ta'ala d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu dans le hadith célèbre concernant l'invocation pour repousser la tristesse. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cette invocation et qu'il a dit As'aluka bi kulli ismin huwa lak. Je t'invoque, c'est-à-dire oh Allah, par tout nom qui t'appartient. Sammayta bihi nafsak. Par lequel tu t'es nommé. Ou anzaltahu fi kitabik. Ou que tu as révélé dans ton livre. Ou allamtahu ahadan min khalqik. Ou que tu as enseigné à quelqu'un parmi tes créatures, un de tes prophètes. Et ensuite il dit Ou ista'tharta bihi. Fi ilmi al-ghayb indak, ou que tu as gardé dans la science de l'inconnu, de l'imperceptible auprès de toi. Donc on voit dans cette phrase qu'il y a des noms qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas enseigné à ses créatures. Il ne les a pas révélés dans son livre et il ne les a pas enseignés à ses prophètes alayhim salatu wassalam. Mais il les a gardés dans la science de l'invisible, de l'imperceptible auprès de lui. On voit donc que ce qui est visé dans le hadith de ce chapitre n'est pas la restriction des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala au nombre de 99. Quant au hadith qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam précisant ces 99 noms, alors le hadith rapporté à ce sujet est un hadith faible, comme l'a mentionné notre cheikh Yasin al-Adani rahimahullah ta'ala. Et l'imam al-Bukhari rahimahullah, ici il a terminé en nous expliquant le sens de ce qui est visé par le fait de recenser ces 99 noms. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Allah a 99 noms, celui qui les recense entrera au paradis. » L'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, il dit, c'est-à-dire qu'il les mémorise. Celui qui mémorise ces 99 noms. Mais ce n'est pas seulement cela. Ce n'est pas simplement le fait de les mémoriser. En réalité, c'est plus large que cela. Et cela comprend le fait de recenser ces noms et de les apprendre, de connaître ces noms, mais également de comprendre leur sens et de comprendre ce qu'ils impliquent et enfin d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et d'œuvrer en fonction de cela. Et lorsqu'on dit d'invoquer Allah, cela comprend les deux formes d'invocation que l'on a mentionnées précédemment. Tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms lorsque tu lui adresses tes demandes par le nom qui correspond à ta demande et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala du'a al-ibada, l'invocation d'adoration en te rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'impliquent ces noms. Ceci était donc quelques questions liées à l'explication de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم